propos sur la matière, la matière à dire. Un peu plus de lumière, les yeux se déchirent. Se taire est fini. Au fond de l'univers s'explosent nos vies.